elle a promis à chacun de nous. Qui peut savoir si elle est loin ou bien près de nous. La page des faits divers uniquement pour les autres. Puis elle te fauche, tu ne fais plus partie des nôtres. À qui, à quoi, à quelle règle elle obéit. De l'accident au crime jusqu'au soldat en tri. Y a-t-il esquive, y a-t-il chance. Hasard, destin, coïncidence. T'as peur de certains gums, tu traînes avec un gun. Tu traînes avec un gun, tu meurs avec un gun. Dead, plus aucune fonction vitale. Tous dans l'avion, pour une destination finale. Ce soir un jeune va dead à notre jeune. Au couteau, au poing ou au gun. Pour une insulte sur sa rhum ou défoncer au rhum. Pour quelques grammes, ou bien pour une femme. Tête mal dans son crâne, mais ce qui est sûr, ce soir un cousin gagne. Ce soir quelqu'un va dead en Rova, en Porsche ou en Rover. Peut-être qu'il va pleuvoir en trop d'alcool dans le doseur. Quelqu'un va se crash dans un bois. Un chauffeur ayant bu du bon vin ou une équipe qui sort de te voir. Un jet va dead pour une rodka. Un frère va tuer un frère, une bavière policière. Quelqu'un va blesser en podcast. Un simple malaise, mais l'ambulance est en retard. Course, poursuite, et puis un coup dans un stoncard. Une arme sonnera bang. Tes femmes y seront dingues. La vie c'est une jungle. Et quand tu dettes, c'est sans bling bling. Maladie, accident, arme, peu importe. Ce qui est sûr, ce soir, quelqu'un va traverser les portes. Quelqu'un va dead ce soir. Repose en paix si c'est ton tour mon frère. Si tu peux vestir donc vas-y cours mon frère. Quelqu'un va dead ce soir. Qui demain jette mes gars octandre en anglais. Et mon aime sera honoré au plein. Quelqu'un va dead ce soir. Nous sommes tous sur sa liste mais personne la connaît. Elle frappe quand elle veut la mort et tu promesses. Quelqu'un va dead ce soir. Qu'est-ce que t'as à faire mon frère ne dort pas. Tu pars mal à fumeur alors ne pleure pas. Destination X. De chaque étape, je suis plus sûr. Si ce matin je dois sortir, faut-il que je prenne ma voiture. La vie c'est louche. Un groupe de jeunes, faut-il que je change de trottoir. Irai-je au bout de mon histoire. Est-ce que je vais dead ce soir. Glisser sur une plaque, béton et maîtriser la nuque. Déjà mort et écrasé, car au milieu de la route. Victime d'un crime, flippé à humidifier mon jean. Scribé de balles, parce que Gary à côté de la brise. Dead à petit feu, high, derrière elle a 4 packs. Qu'en réalité la bitch a le das et que la podcast track. Un contrôle mais par des keufs qui black up. Moi aussi je black up. Du gris sous les matraques braqué par un zoulou qui veut me bluffer. Qui les fait les fermer les bases. Qui supporte plus de me démalader. Des poussières d'hommes dans ce putain d'univers. T'es trop tard t'as rien vu. T'es sur la page des faits divers. Quelqu'un va dead ce soir. Repose en paix si c'est ton tour mon frère. Si tu peux vestir donc vas-y cours mon frère. Quelqu'un va dead ce soir. Qui demain jette mes gars au camp dans mon blé. Mon air sera honoré au blé. Quelqu'un va dead ce soir. Nous sommes tous sur sa liste mais personne la connaît. Elle frappe quand elle veut la mort et tu promets. Quelqu'un va dead ce soir. Qu'est-ce que t'as à faire mon frère ne dort pas. Tu pars mal à fumeur alors ne pleure pas. À l'heure où je te parle une âme s'envole. Dans chaque coin du monde une âme s'envole. Un flic. Un gosse, un gangster, un innocent, un ami, un grand frère. Pendant qu'elle s'occupe de toucher les autres, on oublie qu'elle pourrait bien toucher les nôtres. Elle nous guette tous, pauvres friqués. Ni amour, ni regret, ni pitié. Mais ça fait flipper, c'est vrai, mais à quoi qu'on flippe quand. On sait qu'elle viendra, c'est sûr, mais on ne sait pas quand. Nous sommes tous dans son plan. Elle seule juge du moment et du temps. Vit sur le love et la justice en trichant. Si demain je meurs, ne pleure pas. Lève-toi, ramasse toutes mes armes. Regarde devant toi et serre-toi. Je te parle de tout ce que mon vécu peut t'apprendre. Je vis, je n'attends pas mon jour car c'est lui qui m'attend. Quelqu'un va dead ce soir. Repose en paix si c'est ton tour mon frère. Si tu peux vestir donc vas-y cours mon frère. Quelqu'un va dead ce soir. Qui demain jette mes gars au camp dans mon blé. Mon air sera honoré au blé. Quelqu'un va dead ce soir. Nous sommes tous sur sa liste mais personne la connaît. Elle frappe quand elle veut la mort et tu promets. Quelqu'un va dead ce soir. Qu'est-ce que t'as à faire mon frère ne dort pas. J'ai pas mal à fumeur alors ne pleure pas. Elle viendra, elle a promis à chacun de nous. Qui peut savoir si elle est loin ou bien près de nous. La page des faits divers uniquement pour les autres. Puis elle te fauche, ne fait plus partie des nôtres. À qui, à quoi, à quelle règle elle obéit. De l'accident au crime jusqu'au soldat en tri. Y a-t-il esquive, y a-t-il chance. Hasard, destin, coïncidence. T'as peur de certains gums, tu traînes avec un gun. Tu traînes avec un gun, tu meurs avec un gun. Tête, plus aucune fonction vitale. Tous dans l'avion, pour une destination finale. si je te connais pas. Toi qui apprécie ma zik, gars qui fait ma zik, qui suit ma zik, je t'aime même si je te connais pas. Tu derrière le micro en studio et toi devant ton poste. Pour toi je donne mon top, garde mon propre, c'est que sans toi je flop. Mon son t'es croque, donc tu croques de toi, je te respecte. Pour tous ces fans de rap, de bon hip hop, mon art je reste maître. Cette fleur du béton et ton kiff pour ma musique, ma rose, t'achètes mon album et je le défends avec la rage de ma gomme. Aujourd'hui toujours l'œil du tic comme plaque vénère qui rappe. Sans toi je serais dans la fosse, un manutentionnaire qui rappe. J'étais pas conscient avant les lives sur scène. Une foule qui crie ton nom mon frère, c'est un régal suprême. Je viens comme un beat, rage et quand la basse m'entraîne. Un truc de malade mais je t'assure que les résultats me surprennent. Enfin bref, j'sais très bien que des mères si ce n'est pas assez lourd. Des dédicaces ou même des lettres ce n'est pas assez lourd. Toi qui me kiffes sur ma zig, à toi qui me soutiens big up. Prends mon rap, yeah. Prends ce couplet comme un merci. Sincère, ça me sort du plus profond que ça. Yeah. Big up. Faisant connaissance un peu pour ton sage plus sur moi. Je te parle ma vraie life, pas les saloperies qui courent sur moi. C'est toujours la même attitude, habitude, délire dans ma négritude. J'ai raté mes études, présent je rappe pour me faire des thunes et faire des tubes. Allons bien au-delà des apparences. J'habite seul avec ma kid à 2 minutes de chez mes parents. Tu peux me check dans ma voiture, attitude couché au volant. Écoutant un Jay-Z qui claque sur une grosse prod de Timberland. Ok, j'ai ni BM ni Lexus, du moins pas encore. Juste ma Golf accidentée, heureux que je n'étais pas en tort. N'ai pas les tonnes dessous, toujours la street d'en dessous. Toujours un pshh dans ma banane et je fais mes courses à pomme chute. Sinon je m'ambiance, je délire avec ma clique comme avant. Par contre je suis beaucoup moins dans la street parce que je suis down. Je suis pas une star mais je compte bien le devenir et kiffer. Dans mon écart je reste au quin, mais on m'appelle Diffré. Tous les gars du CNL 91 et partout ailleurs. Lady MC Scala B-Boy. Pour les types aussi. Pour ceux qui me connaissent et qui m'aiment comme je suis. Freddy aka Old Gang. Prie pour mon frère. Prie pour moi car j'ai de l'amour pour toi. Le vrai bonheur c'est les choses simples. Famille, amis, hormis le rap vient de vivre les pires années de ma vie. Le démon et sa clique s'est acharné sur mon entourage. Appelé c'est mon courage. Mais je suis resté debout même sous l'orage. M'a rendu rageur. J'aime mon père et ma mère, ma fille, toute ma famille. J'aime ma sœur et mon frère, yo. Tous me donnent la force pour foncer jusqu'au bout de ma quête. Personne ne peut marcher dans mes choses ou penser dans ma tête. Putain, je t'assure, des fois c'est Speedman. Je sens un manque, repose en paix, à Marina, à Sirène. Je lance un big up à mes gars car j'ai de l'amour pour vous. Je vous jure, famille, amis, sachez que j'ai de l'amour pour vous. Je peux pas t'expliquer, là je te parle d'un truc trop fort. L'amour que je porte à mes proches sur ma life, y'a rien de plus fort. Ces efforts, cette adrénaline, ce second souffle envers les miens, je suis reconnaissant, message d'un truc de ouf. Yeah, j'ai trop de respect pour certaines personnes, je sais qu'elles se reconnaissent. Aujourd'hui je suis encore debout mec, si je trébuche je ne tomberai pas. C'est démentionnel garçon. Ceux qui m'aident à être un roi, big up à mes proches. Ceux qui m'apprécient, ils restent aussi. Ce n'est que le début. Je lance un big up à vous tous. Parce que j'ai l'amour pour tous. Pour la belle, nouvelle donne. On a un sourire balle, mon gars, les factors. Et Orismo, on pense à toi, mec. Ami ou ennemi, je sais que vous reconnaissez. Ce qui m'a blessé m'a rendu plus fort. Sache que c'est Diffré qui parle. Celle-ci pour ma famille. Mes vrais proches, une terre pour vous. J'ai de l'amour pour tous. Merci. Sur un bal, 2-0-0-4-4-4-4. C'était que le début, Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le rap est mort à ce qu'il paraisse, c'est la paresse qui sonne pour les sonnes et tous les autres. Dans le baril j'ai l'essence, détiens le flot imperméable, un style équilibré pour ton organisme. Valsisme international classique, classé dangereux, le pacificateur à eux, faut pas se fier. Certains veulent me voir couler, ils ont pas compris qu'on peut pas noyer un putain de palmipède. Ceux qui veulent test ou clasher, vérifier au réalisme. Un séjour en Antarctique, un bonjour de la part de ma bite. Moi je suis de l'époque du Jurassique, ceux qui jurent pour rien je les laisse. Moi je suis de ceux qui gèrent leur genre, comme Hercules je suis Gotham City. Si t'as pas le temps de m'écouter, je m'en ouf, car rien si bien le mal se côtoie. Comme katana je me charge de préparer la rate, je rote toujours après avoir mangé sans faire de magie. J'essaie de te raisonner, réagis, je réfléchis à ton égard, de souffler tes dernières bougies. Comme Iron Man on fout le feu, verbalement on s'éparpille intelligemment. J'y mets mon cœur, mon âme, sans jamais traire les miens. T'imagines le chaos, un vrai désastre. Toute l'année il fait nuit, les langues de pute restent nuisibles à ma créativité. Ouais, cherche pas à imiter des types comme nous, y'en a quand c'est illimité. Vous permettez, je crache ma haine, je développe mon instinct primitif. Les mains dans les poches, pieds dans mes pompes, discret, tensionné, je marche seul dehors. L'ange des murs entend des ragots que le rap est mort. Que pour manger dans ce biz, faut faire la pute en major. Que moi et mon crew dans la zig, devant plus faire d'efforts. Imagine, c'est comme si on me braque un flingue dans la bouche. Comme si, couteau sous la gorge, on me viole dans la douche. Repartir au point de départ dans la brousse. Comment faire, marche arrière, repartir à la source. Un booster, journaliste, gâte et salisse le rap. Ce qu'il mérite, l'arrière du coffre à coups de batte. Être attaché et se prendre des coups de latte. Mal, le producteur du quartier veut t'enculer, te baiser. Pelle ton équipe, prenez-le de court, du lourd. J'aime le rap, être en contact, je fais ça par amour. Quand tu prends ton virage, fais gaffe au carrefour. Mon mic est chargé, enclenché. Tant qu'il y aura des vrais dans la zig, rien ne pourra changer. Tant qu'on est là, qu'on y croit, nous pourrons tous manger. Testé, on nerf, t'as pas mes gars, bien c'est danger. J'te pousse à bout quand mon son bouscule. Te bouge jusqu'au crépuscule. Cap mon flow véhicule. La street, le bitume. Saisis la rage qui jaillit de ma plume. Gaffe sur track, on t'allume, mec, je l'assume. On t'assomme, on somme le son de les sols. Sur partie bon retentit, ma voix sur la mélodie. Non, je n'ai pas perdu mon crédit. V'là le commencement de la tragédie. Vibes, steel, ice, façon Team McGrady. Phoenix, notre emblème. La sur mon couche, l'aime. Lyrique symphonique, la rime saine. Bienvenue dans mon domaine. Ma voix de transport. Ma team trop forte. Mon crew, mon escort. Mon CNL me supporte. Donc je place pour mes potes, j'évacue le stress. Rien de presse, yes, j'ai le son qui compresse. Des têtes grillées, des mecs usés dans mon taco. Nos mics sont des guns et je ride vers un musical braco. Kaira style ou Starco, propre ou charclo. Sur notre parcours, y'a des jaloux, un poster et des soldats Sarko. J'suis pas ton pain, quand Joe dit des comment ce type, ça joue le psycho. C'est dingue, on a les flingues et vous des marteaux. On mène le bateau, j'braque mon micro sur la tente de ces ventes qui veulent piller nos ventes et manger notre gâteau. Des bandes de chuchotes qui veulent faire des saltos. On chicote, boko, boko, comme le négro l'alco. C'est 4 guns, compagnie. Y'a des jeunes qui vont caler comme Carter. Je smate le bras dans le panier. Où ta main, mec, je ne suis pas ton ami. Maintenant les mecs ont des mines ou font des bisous et derrière aimerait te caler. Hey yo, tant du vrai, l'agression verbale sera. Au fond, on les écrasera. Celui qui me croit pas verra. L'agression.